L'été dernier, petit coup de tonnerre tout de même dans la communauté paléontologique, une équipe de chercheurs révélait qu'une analyse ADN de l'un des ossements retrouvés dans la caverne de Denisova indiquait que l'homme de Denisova s'était hybridé avec la femme de Néandertal pour donner une enfant, une jeune femme surnommée Deni, qui disposait du patrimoine génétique de ses deux parents. Mais qui est exactement Denisova, identifiée en 2010 via la paléogénétique à partir de quelques maigres fragments d'os? Est-il vraiment l'humain qui va peupler l'Asie comme Néandertal a peuplé l'Europe? Peut-on parler d'espèce à part ou est-ce là un tour de force de la paléogénétique? Denisova a un doigt de Néandertal, c'est le problème que nous allons tenter de démêler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de mieux comprendre qui étaient ces femmes surtout, et ces quelques hommes de Denisova, nous avons le plaisir de recevoir Evelyne Heyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en anthropologie génétique du Muséum National d'Histoire Naturelle au Musée de l'Homme. Vous êtes auteur d'une belle histoire de l'homme. C'est aux éditions Flammarion. Bonjour Sylvana Condamy. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue, directrice de recherche CNRS à Aix-Marseille Université. Vous dirigez l'équipe de bioarchéologie et de paléo-anthropologie. Vous avez publié Dernières nouvelles de Sapiens avec François Savatier, également aux éditions Flammarion. Vous pouvez suivre, on en parlera tout à l'heure également, des variations sur l'histoire de l'humanité. Evelyne Heyer me fait un petit mot. On a parlé déjà la dernière fois grâce à Laurent Genefort, qui était notre invité il n'y a pas très longtemps, qui est un livre collectif préfacé par Yves Coppens aux éditions La Ville Brûle, dans la collection de notre parrain et ami, le camarade Jean-Philippe Usan. Voilà, c'est fait. Alors j'en parlais, un mot pour vous dire que vous pouvez nous suivre comme tous les jours, évidemment, en direct sur les ondes de France Culture, en différé, en podcast, via votre application préférée et comme toujours en complément sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos petits bouts de doigts. J'en parlais en introduction, branle-bas de combat hein, cet été, ça a beaucoup agité les médias tant spécialisés que généralistes. On aurait identifié pour la première fois un fossile hybride Néandertal-Denisova. On en a entendu parler, on a entendu beaucoup de choses, peut-être même un peu trop de choses à ce propos de cette hybride, de cette jeune fille hybride de 13 ans. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre, Sylvana Condamy? Ben écoutez, je pense que c'était quelque chose auquel il fallait s'attendre, puisqu'il faut déjà savoir que la grotte de Denisova, elle se trouve dans l'Altaï. Et nous avons également des Néandertaliens dans l'Altaï. Donc c'est un peu logique que ces populations qui ont vécu à la même époque se sont rencontrées et ont pu se mélanger. On le savait déjà par d'autres études, mais là ça a été vraiment précisé. Et surtout, ce qui paraît très très intéressant, c'est que le père soit un Néandertalien et la mère soit une Denisovienne. Evelyne Heyer, votre sentiment vis-à-vis de ce raffut médiatique autour de cette hybridation Néandertal-Denisova? C'est très beau parce que c'est un coup de bol phénoménal d'être tombé juste sur un enfant mélangé de Denisova et Néandertal. Qu'ils aient pu se croiser, on s'en doutait, mais de tomber juste sur un enfant issu des deux, c'est vraiment un grand coup de chance. On ne sait pas trop, on sait qu'ils ont cohabité, alors évidemment il y a tout un jeu de reconstitution un peu d'une sorte d'enquête archéologique et paléontologique à mener, mais on ne sait pas si finalement ils cohabitaient par hasard, on ne sait pas s'ils cohabitaient vraiment sur des longues périodes, cette hybridation c'était un coup de bol. Comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en sait en fait, Evelyne Heyer? En fait, de Denisova, en dehors de la génétique, on ne sait rien. C'est vraiment l'espèce paléanthropologique sur laquelle on a le moins d'informations. Ça a été retrouvé en faisant une analyse du génome et on a été surpris de voir que c'était pas un Néandertal, alors que c'était dans une grotte où il y avait des Néandertals, et donc on l'a appelé l'homme de Denisova. L'homme de Denisova et l'homme de Néandertal, c'est des espèces ou sous-espèces ou populations qui se séparent il y a environ 400 000 ans, pour replacer un peu le contexte, et nous, sapiens, on se sépare de Néandertal il y a environ 700 000 ans. Donc ça donne des ordres de grandeur. Donc étant donné que sapiens et Néandertal se sont croisés et que c'est des espèces qui se sont séparées il y a 700 000 ans, ça n'est pas surprenant que des espèces ou sous-espèces plus proches se croisent entre elles. Peut-être qu'on peut raconter à nouveau cette histoire de Denisova, parce qu'effectivement notre connaissance de Denisova, comme vient de le dire Evelyne Heyer, est toute récente, elle a moins de 10 ans. La première étude, c'est donc de avril 2010. Alors l'année 2010 était une très belle année pour nous paléanthropologues et pour les généticiens des populations, parce qu'en avril, il y a eu cette publication sur l'ADN mitochondrial de cette nouvelle espèce, appelons-le comme ça pour l'instant. Ensuite, en juin 2010, il y a eu le génome, 60% du génome de Néandertal. Et en décembre 2010, c'est le génome de Denisova. Donc, c'est une très, très belle année pour quelque chose que nous ne connaissions pas avant. Alors, je veux revenir sur qu'est-ce qu'on connaît du point de vue paléanthropologique, qu'est-ce qu'on a comme os de Denisovien. Eh bien, c'est très, très peu de choses, puisqu'on a la première étude qui a été faite sur l'ADN mitochondrial, on a simplement un petit bout, mais vraiment un petit bout, du petit doigt d'un enfant. Et pour vous donner une idée de comment ce petit bout est petit, c'est moins d'un centimètre carré. Et vous savez que nos phalanges, c'est fait d'une partie qui est, disons, allongée et de deux parties qui sont soudées à cet os allongé. Ben, on a simplement la partie qui n'est pas encore soudée de cet enfant à cette phalange. Donc, vous voyez, c'est tout, tout petit. Mais alors, la chance pour nous, c'est qu'il fait très froid dans l'Altaï. Donc, l'ADN s'est bien conservé et on a pu faire cette magnifique étude. Ensuite, dans l'étude qui a été faite en décembre 2010, c'est sur une dent dans laquelle on a fait à la fois l'analyse de l'ADN mitochondrial, mais on a fait surtout le génome. Et là, la toute dernière étude sur ce Denis, hein, là, cette jeune hybride, appelons-la comme ça, eh bien, c'est un tout petit bout de fragment d'un os long, peut-être un petit bout de humérus ou peut-être de fémur, on ne sait pas. Mais on n'aurait jamais pu, du point de vue paléanthropologique, pouvoir dire c'est quelque chose qui n'est pas 100% néandertalien, c'est quelque chose qui n'est pas 100% sapiens. On aurait pu, sur le petit bout de phalange et sur la dent, dire que c'est humain, mais on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Donc c'est quand une on très, dit humain, très belle... c'est sapiens, hein. Oui, c'est parce que les Néandertaliens, quand même, sont des humains. Et les, voilà, donc, les os, un fémur ressemble à un fémur avec quelques caractères particuliers, etc. Donc, c'est quand même une très belle histoire. Et c'est la première fois que, par la diversité génétique, on a dit, ce n'est pas Néandertalien, ce n'est pas comme les sapiens que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est une définition, c'est la première fois que, une population, une sous-espèce, appelons-la comme ça peut-être, est reconnue sur des bases purement génétiques. Là aussi, on pourrait parler d'un coup de bol, comme vous le disiez, Evelyne, hier, parce qu'effectivement, on a très très peu de matériel fossile, et d'un seul coup, au moment où la paléogénétique est en pleine explosion, où elle est en train de dire « vous ne pouvez plus travailler sans nous », on est en train de mettre à votre disposition des outils incroyables qui nous permettent de progresser et d'affiner énormément notre connaissance de ces fossiles humains dont on dispose, et bien, pam, on découvre une nouvelle espèce ou une nouvelle sous-espèce. Ah oui, non, mais ça c'est beau, hein. Est-ce que c'est vraiment un hasard, c'est ça que sous-tend ma question. Bon, c'est l'équipe, hein. Faut déjà redonner les lauriers à ceux qui l'ont fait. C'est l'équipe du Max Planck, dirigée par Svante Paabo en Allemagne, qui nous a sorti tous ces très beaux génomes anciens. Depuis, d'autres équipes sont entrées dans la danse, mais c'est quand même remarquable en termes de prouesse technologique. Bah, je vous dirais, maintenant qu'on sait qu'il était là, c'est normal qu'on l'ait trouvé, mais avant de savoir qu'il était là, c'était pas évident qu'on puisse le trouver. Et ce qui a d'autant plus surprenant, c'est que le génome de Denisova, on le retrouve très fréquent dans les populations actuelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les aborigènes d'Australie. Et on le retrouve très peu, un petit peu, mais très peu dans les populations d'Asie continentale. Donc c'est un des grands mystères. Comment Denisova, qui est en Altaï, alors je vous recite l'Altaï. Oui, c'est ça. Hein. Géographiquement, on va vous mettre une petite carte sur Twitter, mais tout de même, si vous n'êtes pas très doué en géographie, on va vous redire où c'est exactement. L'Altaï, c'est un peu comme les Alpes en Europe. Hein. C'est au croisement de la Russie, du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine. Donc c'est vraiment le massif qui est à la croisée de ces endroits-là. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller échantillonner les populations modernes là-bas. Et les populations modernes là-bas n'ont quasiment pas de leur génome qui vient de Denisova. L'essentiel, les populations qui en ont le plus, jusqu'à 6%, c'est les populations en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Et du coup, ça nous a amené pas mal d'informations aussi sur l'histoire du peuplement de l'Asie. Alors, une question quand même qui demeure... Alors, Alors, vous l'avez dit, peut-être aussi redire un mot sur les conditions. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvana Condemi. Peut-être qu'on peut détailler. On a appelé cette grotte de Denisova le coffre à ADN parce qu'effectivement, il fait très froid. Qu'on a trouvé par ailleurs différentes couches et qu'on a trouvé des restes, et pas uniquement de Denisova, on a trouvé des restes de Sapiens et de Néandertal, et tout ça extrêmement bien conservé, précisément grâce à la localisation géographique. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la conservation de l'ADN après la mort d'un individu et les conditions géographiques et surtout de température. On sait que l'ADN se dégrade très très vite, et les seuls endroits où on arrive à trouver de l'ADN dans lequel on a une bonne couverture génomique, c'est les endroits où l'ADN a pu se conserver. Il se conserve d'autant mieux qu'il fait froid. Alors on a par exemple d'autres exemples pour des Néandertaliens qui ont été trouvés au fin fond de certaines grottes, très très loin, où vraiment il n'a pas fait beaucoup chaud, etc. On a une couverture génomique bien meilleure que dans d'autres fossiles. Une question alors qui tout de même, et puis ensuite on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on identifie et comment d'un seul coup on trouve qu'il s'agit d'une sous-population à partir de ce matériel génétique dont on dispose. Mais comment se fait-il que puisqu'il y a 8 ans on découvre une nouvelle espèce, comment se fait-il qu'on en soit resté là, qu'on n'en ait pas trouvé d'autres rétrospectivement alors peut-être qu'il y a quelques candidats, je n'en sais rien, Evelyne Ayer, mais pourquoi est-ce qu'on a que ça et qu'on reste avec ces maigres fragments de Denisova? Alors maintenant, on utilise un autre processus, c'est-à-dire on regarde dans l'ADN moderne de Sapiens et on trouve des bouts de génome qui seraient visiblement archaïques et qui correspondent ni à Denisova ni à Néandertal. Et donc, il y aurait vraisemblablement d'autres espèces qu'on n'a pas pu encore analyser directement, soit sous forme de paléanthropologie, soit de données génétiques. Mais il y a des pistes pour dire qu'il y aurait eu aussi d'autres sous-espèces, soit en Asie ou même en Afrique. Sylvana Condemi, sur le fait qu'à partir du moment où on dispose d'une fiche d'identité génétique de Denisova, comment se fait-il qu'on n'ait pas plus de traces fossiles ? C'est-à-dire que la fossilisation, c'est pas une chose automatique. Elle n'est pas fossilisée qui veut, malheureusement. Sinon, ça serait, on aurait beaucoup de fossiles. Au fait, on a très, très, très peu de restes humains dans les sites. Il faut voir que par rapport à la multitude de personnes qui ont vécu dans les temps passés, on a très, très peu de restes humains. C'est quand même une chance parce que là, on a quand même, il faut bien voir que cette découverte de ce métis, de cet hybride, c'est dû au fait que nous avons aujourd'hui des méthodes qu'on n'avait pas autrefois, qui permet, parce que nous, quand on fouille, on voit un fragment d'os, mais à partir d'un petit fragment qui a 1 cm ou 2 cm, on peut dire c'est de l'os long. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il appartient à un humain ou est-ce que ça appartient à un animal? On ne peut pas aller plus loin. Mais aujourd'hui, on a des méthodes, on appelle la Zoom MS, ça fait 13. Donc, on va en parler. Voilà. Et cette méthode-là nous permet de pouvoir identifier si l'os est humain ou pas. Et c'est grâce à tout un apport technique qu'on a depuis une dizaine d'années, qui n'est pas simplement la paléogénétique, mais qui est également d'autres méthodes, qu'on arrive à faire parler même des petits fragments auxquels on ne peut pas, du point de vue paléontologique, pouvoir même dire s'ils sont simplement humains. Après, pour aller beaucoup plus loin, pour dire à quel groupe, à quelle population, à quelle sous-espèce ils appartiennent, il faut voir un peu plus que ça. Mais oui, Evelyne Ayer. Moi, je voulais juste revenir là-dessus. On a des candidats. Il y a des restes fossiles qui ont été trouvés qui sont peut-être des Denisoviens. En Chine. Alors, on attend tous avec impatience dans la communauté scientifique l'ADN de ces restes humains pour savoir effectivement si ce serait des Denisoviens. Là, ce serait vraiment une avancée majeure dans notre connaissance de cette lignée de Denisoviens. Oui, parce que pour reposer ma question, si vous voulez, différemment, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, alors il faut parler avec des guillemets, mais en cas, beaucoup de fossiles néandertales. On a même plus de fossiles de Flores ou de Naledi que des Denisova, qui pourtant, en termes de répartition géographique, seraient allés sur des zones beaucoup tout plus importantes. C'est ça, c'est un peu ça, ce paradoxe. C'est-à-dire, il se pourrait que ce qu'on a appelé autrefois des Homo erectus évolués soit des Denisoviens. Le problème, c'est que si on les appelle des Homo erectus évolués, c'est parce qu'ils ont encore des caractères d'Homo erectus évolués, parce qu'ils ne sont pas comme ceux qui sont très anciens, qui ont 1,5 million d'années. Là, on est à 300 000 ans, à peu près. Voilà. Mais jusqu'à quand on n'aura pas le génome pour pouvoir dire le génome de ce fossile qu'on appelle un Homo erectus évolué identique ou semblable à les Denisoviens, ben on peut pas mettre vraiment une étiquette. Oui, c'est mais ça mais le moi problème. Je m'attends qu'on en trouve parce que effectivement le fait qu'on retrouve du génome de Denisova à forte fréquence dans les populations humaines en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en Australie, donc on pense à la sortie d'Afrique qui va coloniser l'Australie à environ 50 000 ans, alors que Denisova est en Altaï, c'est quand même à plusieurs milliers de kilomètres, ça laisse supposer que c'est une espèce qui avait une plus grande étendue géographique. Donc, alors on peut imaginer que ça va de l'Altaï jusqu'à la Mélanésie et voire plus loin. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de la femme de Denisova, puisque rappelons-le, on dit toujours l'homme de Denisova, mais la majeure partie du matériel fossile dont nous disposons est a priori féminin. Bah, oui, mais c'est un grand H. Alors parlons des Denisoviens. C'est la langue française qui ne permet pas de parler de l'humain de Denisova. Alors parlons de Denisova tout court, comme ça c'est neutre en termes de genre. Bref, nous en parlons avec Evelyne Heyer et Sylvana Condemi. Moi j'aimerais comprendre, peut-être avec vous Evelyne Heyer, comment est-ce que quand on dispose de ce matériel génétique incroyablement préservé de Denisova, quand on l'analyse... Entre vous et moi, il y a 99,9% d'ADN commun. Entre nous et Néandertal, il y a 99,7%. Comment est-ce qu'on tombe sur les gènes exacts, sur les locus, qui sont des locus différents, qui disent « Ah, mais attention, c'est une autre espèce ». Expliquez-nous ça, parce que pour moi, ça relève un peu de la magie. Alors, nous sommes dans les sciences, tout ça est tout à fait explicable par du travail et de la méthode scientifique, et je veux tout comprendre. Oui, ça nécessite beaucoup de calculs et de statistiques. En fait, il faut imaginer que vous vous promenez sur le génome avec des espèces de fenêtres. Donc, vous faites des fenêtres coulissantes sur le génome. Donc, vous ne regardez pas un bout de génome petit, vous regardez des bouts de génome plus ou moins longs, et sur chacun de ces petits bouts de génome, vous allez avoir des mutations qui sont caractéristiques d'une des espèces ou d'une autre. Et c'est comme ça que vous arrivez à identifier non pas que ce nucléotide, c'est-à-dire cette paire de bases d'ADN, vient de telle espèce ou de telle espèce, mais c'est le fragment d'ADN, c'est-à-dire ce que vous regardez, c'est des fenêtres, par exemple, de 50 000 lettres ou de 100 000 lettres, et c'est ces fragments que vous arrivez à identifier comme provenant d'une espèce ou d'une autre, parce que sur un fragment assez long, vous avez suffisamment de mutations discriminantes qui vous permettent de savoir si ça appartient à une espèce ou à une autre. Et alors, par exemple, quel type de mutations discriminantes est-ce qu'on peut identifier? Est-ce qu'on sait à quel endroit, à un moment donné, justement, Krauss et Paabo qui publient leur première étude en mars-avril 2010, qu'est-ce qui leur fait dire quelles sont les preuves qu'ils ont qu'il ne s'agit pas juste de néandertaliens qui ont été isolés un peu longtemps, qui ont divergé génétiquement. Ça, c'est très facile. Vous alignez les génomes, vous comptez combien il y a de différences. Si vous avez moins de 1 pour 1000 de différence, vous comparez à Sapiens, vous êtes dans Sapiens. Si vous avez plus, eh ben finalement, c'est autre chose. Donc, c'est Néandertal, c'est Denisova. Et là, de la même manière, ils ont comparé Denisova à Néandertal et ils se sont rendus compte qu'il y avait suffisamment de différence pour dire qu'on était peut-être dans une sous-espèce différente. Et à partir de ces différences, en utilisant le taux de mutation, on peut calibrer de quand se sont séparés les différents groupes. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la première étude, celle de mars-avril 2010, on avait travaillé sur l'ADN mitochondrial. Et c'était qui est l'ADN de la mère, rappelons-le. Qui est l'ADN qui nous vient de notre mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était pas du tout l'ADN mitochondrial qu'on connaissait déjà très très bien de Néandertal. Donc, ça permettait d'exclure d'emblée que ce fragment de petits doigts était un fragment de petits doigts d'un enfant néandertalien. C'était quelque chose de complètement différent. Oui, et puis il faut bien rappeler que pour l'essentiel du génome, c'est du génome bric-à-brac, ça code pas pour des gènes. Il n'y a que 2% du génome qui code pour des gènes. Donc 98% du génome, c'est non codant. Il y a des zones régulatrices, etc. Mais grosso modo, l'essentiel de l'ADN est est différent juste du fait de l'histoire des espèces. Il n'est pas différent du fait de processus de sélection naturelle. Donc, il retrace vraiment l'histoire des espèces. Et c'est sur cet ADN-là qu'on se base pour retracer que Denisova Néandertal se sépare il y a 400 000 ans, que la branche Néandertal Denisova Sapiens il y a environ 700 000 ans. Et alors justement, quelles sont les méthodes aujourd'hui de génomique ou de génétique qui permettent de remonter en quelque sorte l'horloge génétique et l'horloge de ces brins d'ADN pour arriver à ces points de séparation que vous mentionnez? En fait, on compte les différences et on transcrit les différences en termes de temps. Plus le temps passe, plus deux espèces deviennent différentes. Les différences s'accumulent au fil du temps. On dit d'une manière plus ou moins régulière qui s'appelle l'horloge moléculaire. Et donc ça, c'est vrai pour tout organisme vivant. On peut utiliser l'ADN pour retracer les parentés, ce qu'on appelle les phylogénies, entre toutes les espèces. Plus deux espèces sont éloignées dans l'arbre, plus elles sont différentes génétiquement. Et ça, ces différences-là se traduisent en termes de temps. Et l'horloge moléculaire, on en a déjà beaucoup parlé ici, c'est, on peut prendre de l'ADN d'une amibe et de vous ou de moi, et d'un seul coup, en remontant l'horloge moléculaire, on va savoir à quel endroit finalement il y avait un lien génétique entre nous et une amibe. Tout à fait. Bon, il y a eu pas mal de débats il y a 5 ans, on pourrait faire une émission juste sur le taux de mutation et l'horloge moléculaire, mais pour l'instant Bon, on fera une émission là-dessus, ce sera sur l'horloge moléculaire à proprement parler. Un mot tout de même également, Sylvana Condemi, les premières études de Kraus et Pabo mettent en lumière une diversité génétique très faible chez les Denisova. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Denisoviens n'avaient pas une grande variabilité génétique, c'est-à-dire il n'y avait pas une très grande densité de population, il n'y avait pas beaucoup de brassage génétique. Et même, ce qui est intéressant, dans la deuxième étude qui a été faite à partir de ces dents de Denisoviens, il montre que pas simplement la variabilité génétique est faible, mais il y a une très très forte consanguinité, au point qu'ils envisagent toutes sortes de combinaisons possibles, que cet enfant qui a été trouvé à partir de cette dent qui est représentée par cette dent pouvait être issue d'une union grand-père petite-fille double pour cousin Néandertal, voilà et voilà pour Néandertal, mais aussi pour les Denisoviens, ils ont mis en évidence qu'il y avait une très forte consanguinité. Ouais, mais Denisova c'était légèrement différent parce que c'était de la consanguinité on dit de dérive, c'est-à-dire le fait que ça soit une petite population depuis très longtemps. Alors que l'Altaï, que le Néandertal qu'on a trouvé en Altaï, il cumulait à la fois le fait d'être d'une petite population, plus des mariages entre apparentés très proches, du type demi-frère, demi-sœur, etc. Ouais, ce qui a permis de mettre en évidence une structuration, même à l'intérieur de la population néandertalienne, en au moins trois groupes. Le groupe qui est plus dans l'Altaï, un groupe qui est plus vers la mer Noire et un groupe plus de l'Europe occidentale. Les Néandertals dont vous parlez, ce sont les fossiles néandertals qu'on a retrouvés dans la même grotte de Denisova? Oui, mais plus anciens. C'est l'Altaï de Néandertal, le Néandertal de l'Altaï, Combien de temps les sépare justement les fossiles de Néandertal de mémoire, Sylvana a certainement mieux suivi dans le détail, mais le premier Néandertal de l'Altaï, on a eu un bon génome, lui il a environ 100 000 ans. Et alors on a trouvé un truc incroyable dans ce Néandertal de l'Altaï, encore plus surprenant que le mélange après avec Denisova, c'est qu'on retrouve dedans des traces de mélange avec des sapiens qui eux ont disparu. C'est-à-dire il y a 100 000 ans dont on ne trouve pas de traces sur la planète. D'accord. Une autre espèce mystérieuse. C'est-à-dire on pense qu'il y aurait eu des premières. En grosso modo, le patrimoine génétique des populations actuelles à l'extérieur de l'Afrique est issu d'une sortie d'Afrique d'il y a 70 000 ans, comme ordre de grandeur. Eh bien, c'est dans l'Altaï, dans le Néandertal de l'Altaï qui date de 100 000 ans, on trouve des traces de sapiens qui seraient sortis avant. Donc qui seraient sortis plutôt il y a environ 100-120 000 ans, qui se seraient croisés avec le Néandertal de l'Altaï, mais ces sapiens n'auraient pas donné de descendants jusqu'à nos jours. Ce qui prouve bien que Sapiens n'est pas sorti une seule fois d'Afrique, mais est sorti plusieurs fois. Et il y a eu, disons que la dernière sortie, celle de 70 000 ans, est celle qui est celle fait un ras de marée, qui avance d'une façon... Du triomphe de Sapiens sur ces... Mais il y a eu d'autres sorties d'Afrique, dont certaines ont pu aller très très loin. Parce que ce qu'on voit pour l'Altaï, on le voit aussi à propos d'un fossile néandertalien qui a à peu près 100 000 ans, qui se trouve à côté de la ville de Constance, qu'on appelle Stadel, dans lequel une étude a montré l'année passée qu'il y avait également eu... une sorte de d'hybridation avec des sapiens. Et donc, on voit que ces premières sorties d'Afrique de sapiens sont pas toutes, n'ont pas toutes donné, disons, des descendants qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui a été quand même très importante. Et alors, toujours pour rester un peu sur la génétique, avant de parler plus généralement de ce que nous indiquent ces brassages génétiques en termes de migration de population, ce que vous venez de faire à l'instant, comment ça se passe justement au moment de l'hybridation entre deux espèces? Quels sont les gènes qui restent? Comment est-ce que certains gènes finalement restent dans une population donnée? Puisque s'il y a un hybride Néandertal-Denisova qui reste dans une communauté de Denisova, bien son génome va petit à petit se répartir dans l'ensemble du groupe de la sous-population. Est-ce qu'il y a des gènes qui s'expriment, qui se contre-expriment plus? Comment ça se passe, Elinéa? En fait, en général, quand on se croise et qu'on est très différent, ça marche pas très bien. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on trouve. C'est-à-dire que l'ADN qui est codant, c'est-à-dire qui sert vraiment pour les protéines, est moins bien passé de Néandertal à Sapiens, d'une manière générale, sauf pour les gènes qui étaient avantageux. Et là, on a un magnifique exemple chez Denisova, où le gène qui permet aux populations sapiens actuelles du Tibet d'être adaptées à l'altitude, ce gène-là provient de Denisova. C'est-à-dire, ces populations-là ont finalement dans leur génome reçu très peu de Denisova, mais le gène qui permettait, qui était avantageux, lui est resté, et on le retrouve très fréquent dans les populations tibétaines. C'est-à-dire que dans l'hybridation, la majeure partie des gènes sont contre-sélectionnés pour garder une forme d'unicité de la population majoritaire, sauf précisément les quelques rares gènes, et on va en parler dans un instant. Ceux qui sont avantageux. Voilà. Ceux qui sont avantageux. Mais ce qui est absolument magnifique, c'est que finalement, les gènes, les génomes racontent l'histoire des déplacements des populations, des rencontres de ces populations. Et alors, pour résumer, donc on a maintenant identifié cette sous-population, cette sous-espèce de Denisova à un endroit. On n'a que ces quelques bouts-là. On a en revanche identifié des gènes de Denisova dans un certain nombre de groupes de populations, et c'est finalement les deux indices que l'on a d'un bout à l'autre de l'histoire, avec plein de trous du puzzle entre les deux finalement. Ah oui, plein de magnifiques points d'interrogation. On a plus de points d'interrogation que vraiment de données précises sur qui étaient ces humains de Denisova. Alors des points d'interrogation qui sont dus au fait que peut-être on ne les a pas encore retrouvés, peut-être qu'on ne les a pas encore reconnus, parce qu'on ne les connaît pas du point de vue génétique, et peut-être aussi parce que ça raconte aussi le déplacement de population et remplacement de population. Et peut-être aussi parce que, donc on l'a dit, hein, Denisova est un cadre particulier pour la conservation du patrimoine ADN, ce qui n'est pas le cas de tout fossile. On ne peut pas exploiter l'ADN de n'importe quel fossile, parce que l'ADN a un taux de survie assez limité et des conditions de conservation particulières. Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des régions entières dont on n'a aucun exemple d'analyse ADN. Par exemple, ce serait très intéressant, on a des Néandertaliens au Proche-Orient, on a des Homo sapiens très anciens au Proche-Orient, dans le Levant, eh bien, il n'y a pas d'ADN dans ces fossiles-là. Il ne s'est pas conservé, donc on ne peut pas faire d'analyse. Au moins, avec les méthodes que nous avons aujourd'hui, moi je suis une très très grande optimiste, je suis sûre que dans quelques années, on va trouver peut-être moyen de faire parler ces os avec des nouvelles méthode, mais pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Et autre problème, c'est que même si l'ADN a parlé, on n'a pas de traits, du coup, en l'absence de squelette complet, de traits physiologiques qui seraient immédiatement des marqueurs très clairs de Denisova, qui permettraient d'identifier de manière certaine certains candidats fossiles. Si, on y arrive quand même. Si on a les bons bouts d'ADN, on arrive à savoir si c'est plutôt Denisova, Néandertal. Mais sans ADN, je veux dire, juste sur la physiologie des fossiles, non. C'est pas possible. Non. Bah, il faut le fossile au complet, quoi. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la seule dent que nous connaissons bien de Denisova est très très grande. Voilà, c'est vraiment un caractère. Elle est beaucoup plus grande que les dents de Néandertalien. Les racines, c'est une molaire, peut-être une M3, une M2, c'est-à-dire la dernière ou l'avant-dernière. Les racines ne sont pas fusionnées, alors que chez les Néandertaliens, en principe, les racines sont fusionnées. On voit des caractères sur les dents, sur les cuspides, qui pourraient laisser penser que quand même il y a des caractères qui sont proches des Néandertaliens. En particulier, il y a deux cuspides qui sont reliés par une petite crête. Là, on devient très technique. Oui, les cuspides, voilà. Ce sont les petites bosses sur la surface des dents. Voilà. Je pense honnêtement que si cette dent avait été trouvée en Europe, dans un site moustérien, on n'aurait pas fait beaucoup d'histoires pour dire que c'est une dent néandertalienne. On aurait dit simplement qu'il n'y a pas de taurodontisme, c'est-à-dire de fusion des racines. On aurait dit qu'elle sort de la variabilité parce qu'elle est très très grande, mais on n'aurait pas fait grand cas. C'est justement parce que c'est la seule vraiment petite chose que nous avons du point de vue anatomique à laquelle on se rattache, et c'est pas très très très différent à part ces deux caractères que je vous ai donnés des néandertaliens, quoi. On n'a pas du tout d'indice aujourd'hui pour dessiner, pour esquisser une sorte de physiologie générale de Denisova. Non, mais on a quand même avec l'ADN, on peut utiliser l'ADN pour ressortir certains éléments du portrait robot. Alors, Denisova, je ne sais pas si ça a encore été fait. On l'a fait un peu plus sur Néandertal, où on peut comparer, par exemple, les gènes impliqués dans la couleur de peau avec ceux qu'on connaît des populations actuelles. Et on voit qu'a priori, en tous les cas, Néandertal, il était ni aussi blanc que peuvent être les populations européennes, ni aussi noir que peuvent être les populations africaines. Il portait des variants génétiques qui codent plutôt pour noir, d'autres plutôt pour blanc, donc il était une espèce de couleur intermédiaire. Il était métisse, quoi. Voilà. Danny found these weird creatures in a deep place of their own. They said we don't have any features, and we haven't even got bones. Danny turned them into dishes, it didn't take too long. 'Cause they were all light fishes, they didn't even got bones. Where have you been? I forgot anyway. What have you seen today? It's going down every summer, he's making a trip underground. Hurry up to share with his brother all the secrets he found. Never afraid of getting further, Danny discovered a town. He wanted to talk with the Queen Mother, now he's wearing a crown. Where have you been? I forgot anyway. What have you seen? De Sid Mater sur France Culture à 16h33, puisque nous parlons de petits fragments d'os, qui est tout ce dont nous disposons aujourd'hui, mais beaucoup d'informations génétiques en contrepartie à propos de Denisova. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Evelyne Heyer, qui est professeure en anthropologie génétique du Muséum National d'Histoire Naturelle au Musée de l'Homme et auteur d'une belle histoire de l'homme, c'est chez Flammarion, et Sylvana Condemi, paléoanthropologue, directrice de recherche CNRS à Aix-Marseille Université, directrice de l'équipe bioarchéologie et paléanthropologie et autrice, puisque je dis autrice, j'y tiens, avec François Savatier, des dernières nouvelles de Sapiens, c'est également chez Flammarion. Alors, on va parler aujourd'hui de ce que l'on peut apprendre de Denisova En chacun d'entre nous, en tout cas dans les populations aujourd'hui vivantes via leur analyse ADN, et bien cela, justement grâce à certaines hybridations, certainement même plusieurs, on va le voir, qui ont eu lieu au cours de l'histoire et de l'évolution entre Denisova et Sapiens. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire donc éco-anthropologie et ethnobiologie du CNRS au Musée de l'Homme, où l'on étudie ce métissage entre Denisova et Sapiens. Oui, la paléogénomique a donné des indices de cette hybridation. Les Mélanésiens de Papouasie-Nouvelle-Guinée en sont aujourd'hui les témoins. Ils porteraient en eux entre 1 et 5% de traces de gènes dénisoviens. Mais ce pourcentage n'est pas aussi élevé chez les Européens ou chez les Africains. Et pour comprendre ces différences, je suis allée voir Céline Bon, qui est paléogénéticienne et qui a comparé les génomes de plusieurs groupes d'hommes modernes avec celui de Denisova. On travaille sur le matériel osseux qui est disponible. Donc, dans le cas de Denisova, de l'Altaï, ils ont travaillé sur une phalange de pied. Et pour le Denisova, de la grotte de Denisova, ils ont travaillé sur un tout petit bout de phalange qui appartenait à un adolescent, une adolescente en l'occurrence, et qui était, sur le plan morphologique, on ne peut pas dire grand-chose à partir de ce tout petit bout de phalange. Ils ont également travaillé sur des molaires, mais l'ADN est moins bien préservé dans ces molaires, mais pas suffisamment d'ADN pour qu'on arrive à séquencer des génomes complets de très bonne qualité. Et comment on peut évacuer le problème de la contamination? Parce qu'on peut supposer que dans ces grottes ou dans les sites où ont été retrouvés les fossiles, il y a eu beaucoup d'occupations et possiblement des contacts, et même avec les archéologues qui ont pu recueillir les échantillons. Le vrai problème de la contamination, c'est avec les archéologues et toutes les personnes qui travaillent sur le projet, donc du moment de la fouille jusqu'au moment du laboratoire, jusqu'au séquençage en fait. Donc ça c'est un vrai souci, l'un des plus importants soucis en ADN ancien. Donc déjà, on a des méthodes pour éviter les contaminations initialement. Donc ensuite, ces fragments, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et donc il y a une étape de tri pour récupérer l'ADN qui est humain. Donc pour ça, on va comparer chacun de nos fragments d'ADN au génome de référence humain pour essayer de repérer ceux qui sont humains ou pas humains et à quelle position du génome de référence ils se situent. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de comparer le génome de Denisova par rapport à différents génomes humains. Donc l'idée, c'est de prendre les positions qui ont subi une mutation depuis le dernier ancêtre commun à Denisova et à Sapiens. Et on va prendre uniquement les positions pour lesquelles on a eu une mutation ou dans la branche Denisova ou dans la branche qui mène à l'un des deux génomes humains. Et puis par contre, là, ce qui va nous intéresser, c'est les mutations où Denisova est dérivée, une des populations humaines est dérivée et l'autre population humaine est ancestrale. Ça veut dire, donc ça peut vouloir dire que, en fait, chez le dernier ancêtre commun à Denisova et à Sapiens, on avait cette mutation qui coexistait avec la mutation, l'allèle ancestrale, l'allèle dérivée qui coexistait avec l'allèle ancestrale. Or, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on prenait comme population 1 une population européenne, comme population 2 une population africaine, et en population, donc, troisième branche Denisova, on avait bien autant de fois dérivée-dérivée ancestrale que dérivée ancestrale-dérivée. En revanche, si on prenait en population 1 une population européenne ou africaine, et en population 2, une population d'origine mélanésienne, par exemple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on avait beaucoup plus de fois de cas où Denisova et cette population de mélanésienne partageaient un allèle dérivé et la population européenne, africaine ou autre, un allèle ancestral, que de cas où la population européenne ou africaine partageait un allèle dérivé avec Denisova et la population mélanésienne était ancestrale. Ça veut dire que les populations mélanésiennes ont un pourcentage plus élevé de traces de génome denisovien que les populations actuelles Europe. Les populations mélanésiennes actuelles partagent un petit peu plus de mutations en commun avec Denisova qu'une population européenne ou africaine ou asiatique. Alors, les populations est-asiatiques, elles sont un petit peu intermédiaires entre les populations mélanésiennes et les populations européennes. C'est-à-dire qu'elles ont un petit peu d'ADN qui vient de Denisova, mais pas autant que les populations mélanésiennes. Donc ça, ce biais, ça montre qu'il s'est passé quelque chose de particulier entre les ancêtres des mélanésiens actuels et quelqu'un, une population de la lignée denisovienne. Pour Denisova, on n'a pas ces fossiles métis entre Denisova et les ancêtres des mélanésiens. Donc on ne peut pas dater exactement, enfin également, à quel moment ce métissage s'est produit. Comparativement aux Mélanésiens, pour lesquels on a une seule arrivée de matériel génétique d'origine dénisovienne. Pour les Asiatiques de l'Est, on a deux arrivées indépendantes. Une arrivée qui ressemble à celle qu'on retrouve chez les Mélanésiens. Alors, est-ce que les ancêtres des Asiatiques de l'Est se sont métissés avec la même population mélanésienne de façon indépendante, ou plus vraisemblablement, de façon plus récente, il y a eu des flux de gènes entre les Asiatiques de l'Est et les Mélanésiens, et donc les Asiatiques de l'Est ont récupéré de l'ADN dénisovien des Mélanésiens. Mais ils sont également métissés avec une autre population qui est très proche génétiquement de la population, enfin, à laquelle appartient le dénisovien dont on a séquencé le génome. Alors que les Mélanésiens se sont métissés avec une population qui est beaucoup plus éloignée génétiquement du dénisovien, duquel on a séquencé le génome dans la grotte de Denisova. Donc ça laisse entendre qu'il y a eu quand même deux phénomènes de métissage avec Denisova. Un phénomène qui s'est passé dans la lignée chez les ancêtres des Mélanésiens avec une population dénisovienne inconnue mais assez divergente génétiquement du Denisova de la grotte de l'Altaï, de la grotte de Denisova dans l'Altaï. Et un autre métissage qui s'est passé chez les ancêtres des Asiatiques de l'Est avec un dénisovien, avec une population dénisovienne qui est sans doute plus proche génétiquement de cette population. On éclaircit un tout petit peu, on a un tout petit éclairage sur cette question, mais il reste encore énormément de questions qui se posent sur ce phénomène. Voilà comment on étudie aujourd'hui nos ancêtres à travers l'ADN d'êtres humains bien vivants. Vous avez d'ailleurs vous avez travaillé également sur ce type de cohorte, Evelyne Heyer, dans l'Altaï, non ? Ah oui, moi je travaille avec les populations modernes, moi, dans l'Altaï. Moi j'échantillonne les populations à travers toute l'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, de la mer d'Aral, jusqu'à la Sibérie, en passant justement par l'Altaï. Et là, vous ne trouvez pas de traces d'ADN dénisovien ? Très peu, quoi, comme les autres d'Asie continentale. C'est de l'ordre de 1% à peu près, c'est pas très élevé, quoi. On avait quand même l'idée de se dire peut-être les populations qui sont dans le coin, elles sont plus proches de Denisova que celles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh ben pas du tout. Ce qui est vrai pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée est également vrai pour les Australiens d'origine, les aborigènes. Oui, l'histoire de l'Australie est très très différente, c'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques années, on pensait que le peuplement de l'Australie datait de 40-45 000 ans. Et puis depuis 2017, grâce à certaines publications et certaines études qui ont été faites sur du matériel, on sait que les populations sont beaucoup plus anciennes. L'Australie était peuplée il y a 65 000 ans. Donc ça veut dire que ça a une implication très importante, pas simplement dans le peuplement de l'Australie, mais aussi parce qu'on sait que l'Australie n'a jamais été reliée vraiment à la terre ferme. Donc ça veut dire qu'il y a très très longtemps, les humains de l'époque savaient comment rejoindre l'Australie par radeau, je ne sais pas comment. Et que dit aujourd'hui précisément la carte de l'échantillonnage ADN de Denisova ? Qu'est-ce qu'il nous raconte précisément sur les migrations de cette sous-espèce, Evelyne Heyer ? Ça nous raconte sur Denisova, en fait, ce qui est dit dans le reportage, et il me semble assez clair. Quand on regarde les bouts de génome denisovien qu'il y a dans les populations humaines actuelles, c'est comme ça qu'on retrouve un peu Denisova. On voit que c'était a priori une des populations assez structurées de denisoviens, parce qu'on arrive à voir des différences, c'est-à-dire que les populations humaines actuelles n'ont pas reçu les mêmes mélanges de Denisova. Donc visiblement, c'était des populations qui étaient structurées. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'on ne retrouve pas avec Néandertal. Chez Néandertal, on ne retrouve pas, quand on regarde les bouts de génome en nous qu'on porte, qui viennent de Néandertal. 3-4% chez nous, voilà, européens, et même en Asie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. On ne retrouve pas cette différence, comme ça, cette espèce de deux sous-populations de Néandertal qui auraient participé. Ça veut dire qu'a priori, Denisova vivait plutôt en petits groupes assez structurés géographiquement, plus que Néandertal en tout cas. Vous pouvez nous réexpliquer, Sylvain Lacondamy, comment est-ce qu'on peut justement déduire tout ce que vient de nous raconter Evelyne Heyer de l'analyse de l'héritage génétique de ces populations ? Déjà, il y a une première chose que met en évidence déjà l'étude des Denisoviens et des Néandertaliens, c'est que l'homme moderne, Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens sont issus d'un même groupe. Déjà, c'est la première chose qu'on peut savoir, c'est qu'il y a environ 700 000 ans, il y a eu un ancêtre commun, et donc l'histoire que nous, donc là, c'est déjà la première histoire. Donc on sait que les trois groupes sont vraiment liés, ces trois groupes groupes frères, etc. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit déjà une première chose qu'on connaît très très bien quand les groupes se différencient, c'est que ça se différencie dans trois milieux complètement différents. Les Homo sapiens vont se différencier en Afrique, les Néandertaliens surtout en Europe, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce à des calculs génétiques justement, que les Néandertaliens qu'on a dans l'Altaï sont arrivés sans doute il y a 100 000 ans, 120 000 ans, c'est-à-dire une époque de l'interglaciaire qu'on appelle l'interglaciaire 5. Tardivement. Mmh. Mais le véritable endroit, le lieu, je dirais, le berceau des Néandertaliens reste l'Europe. Et c'est simplement dans un deuxième temps que les Néandertaliens ont peuplé d'abord le Levant et l'Asie. Et ensuite, on sait que les Denisoviens, c'est une population qui est asiatique. Donc on voit déjà quelque chose qui est très important, c'est qu'à partir de ce groupe ancestral, il y a trois différenciations. Alors espèces, sous-espèces, on peut en parler, groupes, populations, etc. Mais dans trois milieux complètement différents. Et c'est ça qui a donné la première grande diversité. Après, il est clair que moi, ce qui m'intéresse en tant que paléanthropologue, c'est de voir que ces populations, bien qu'elles se soient différenciées dans des endroits différents, quand elles ont pu être en contact, elles se sont mélangées. Et ce n'a jamais été des populations complètement étanches. C'est-à-dire, les Néandertaliens se sont mélangés avec les Denisoviens. Ensuite, les Sapiens avec les Néandertaliens, d'ailleurs à plusieurs reprises dans différents endroits. Et les Sapiens avec les Denisoviens. Et les Denisoviens avec les Néandertaliens. Donc, ça nous raconte une histoire qui est une histoire à la fois d'origine, à la fois de différenciation de ces trois populations et également une histoire de contacts différents et de rencontres différentes au cours du temps et au cours de l'espace. Il y a des travaux récents qui ont été publiés en mars dans Cell Press par l'équipe de Sharon Browning, qui est une équipe australienne, qui indique que deux populations distinctes de Denisoviens se sont hybridées avec Sapiens, c'est-à-dire qu'il y a eu deux moments d'hybridation à deux moments d'histoire et de deux types de populations évolutives. Oui, mais c'est un peu ce qui était dit dans le reportage de Céline Bon, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en regardant l'ADN moderne actuel, on peut retracer ces histoires de métissage dans le passé. C'est-à-dire, on scanne des bouts de génome, je vous ai dit, par des fenêtres où on regarde les bouts de génome, on dit, tiens, ce bout de génome, il est un peu trop différent de ce qui est attendu, c'est pas du sapiens, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est plutôt du néandertal, ou tiens, c'est plutôt du denisovien. Ah, mais quand on regarde tous les bouts denisoviens, on trouve deux groupes. C'est-à-dire que quand on regarde tous les bouts denisoviens qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans l'étude qui a été faite, les individus qu'ils ont analysés, ça correspond à deux groupes de denisoviens. Et en plus, on peut, avec les données d'ADN, on peut arriver, si on a de l'ADN de bonne qualité, à dater de quand proviennent les mélanges. Donc on peut à la fois voir la temporalité des mélanges, mais aussi voir si ça s'est passé avec des denisoviens plus ou moins différents les uns des autres, et aussi retracer de ce fait un peu de l'histoire des denisoviens. Donc c'est ça qui est sympa. Et en plus, on peut rajouter, avec l'étude du génome de nous autres aujourd'hui, ici-bas sur Terre, des composantes géographiques, puisqu'on peut du coup retracer un peu des parcours en voyant que, par exemple, on retrouve une forte proportion de gènes denisoviens, d'ADN denisoviens plutôt, dans les populations inuites, et qu'il y aurait donc une sorte de migration vers l'Himalaya du Nord et une migration vers l'Himalaya du Sud, quelque chose comme ça, c'est ça, Sylvia Condé? C'est-à-dire que ça raconte vraiment l'histoire des déplacements des populations, des rencontres des populations. C'est-à-dire, ce qui est absolument magnifique avec les études génétiques, c'est que ça permet vraiment de retracer l'histoire des mouvements, de la mobilité et des rencontres des populations. Donc, il est clair que si on voit dans certaines populations du nord de l'Asie un petit pourcentage, même s'il n'est pas très très fort, il n'est pas comme dans les populations du sud-ouest asiatique, de gènes denisoviens, ça veut dire que ces populations ont été en contact dans le passé, alors on peut dater ce passé avec des denisoviens. Et on peut même, peut-être, on pourra savoir avec quel groupe de déni se vient, mais ça raconte vraiment ce qui est important de comme message à faire passer, c'est que vraiment, en partant de l'ADN d'aujourd'hui, on peut reconstruire l'histoire du passé en partie, et c'est pour ça que c'est important, ce serait important d'avoir plus de génomes anciens qui est étudié et qui puisse être analysé, parce que sans le génome des Denisoviens et sans le génome des Néandertaliens, on ne pourrait pas savoir qu'est-ce que c'est ce génome dans les populations aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on voit, et on le disait tout à l'heure, que effectivement l'ADN dont on parle, c'est pour la plupart un ADN non codant, mais néanmoins on trouve quelques traits et quelques traits qui sont de l'ADN utile entre guillemets, ou de l'ADN sélectionné parce que il donnait un avantage en termes d'adaptation au milieu. Et de cet ADN denisovien, on trouve par exemple une adaptation à l'altitude chez les Tibétains. Tout à fait. Mais on trouve aussi d'autres bouts dans notre génome, soit de Néandertal, soit de Denisova. Ce qu'on trouve comme ce qu'on appelle grande classe de fonctions, c'est tout ce qui est lié à l'immunité, c'est-à-dire à la défense face aux pathogènes. D'ailleurs, l'équipe de Luis Quintana Murci à Pasteur a montré qu'il y avait des gènes impliqués dans l'immunité qui ont été reçus de Néandertal. Et aussi, on trouve des gènes impliqués dans la peau et la kératine, c'est-à-dire on dirait un peu l'enveloppe corporelle extérieure qui doit permettre aussi de mieux s'adapter au nouvel environnement, parce que comme Néandertal finalement, il est issu d'une sortie d'Afrique qui date d'environ 700 000 ans, il a eu le temps lui de s'adapter au climat. Donc Sapiens, s'il arrive, il arrive, il est tropical, il est de couleur de peau noire, il n'est pas forcément bien adapté. Et du coup, de fait, avec ces croisements, il va récupérer des bons gènes qui viennent de Néandertal. On parle d'introgression adaptative. On aime beaucoup l'introgression adaptative. Mais c'est magnifique parce qu'on voit vraiment, ça met vraiment une étiquette sur des hypothèses qu'on avait. Par exemple, on sait qu'il y a aussi des gènes de Néandertal qui sont des gènes d'adaptation au froid qui ont permis la survie des Homo sapiens. Et c'est d'ailleurs très intéressant comme problématique parce que quand Sapiens va sortir d'Afrique à plusieurs reprises, eh bien, il ne va pas aller vers le froid, vers le nord. Il va aller plutôt vers l'Est, vers l'Asie, et il va d'abord coloniser, c'est ça qui est intéressant quand on suit vraiment les endroits qui sont assez semblables du point de vue climatique et température à celui qu'il a connu en Afrique, et ce n'est que dans un deuxième temps, une fois que le métissage a été accompli, qu'il a pu s'adapter à certains gènes, qu'il a pu avoir certains gènes et certaines adaptations à un certain climat, qui va arriver en Europe, et c'est en Europe qu'il va arriver très tardivement, alors qu'il a déjà conquis toute l'Asie. Et en parlant d'adaptation, parce que là on s'éloigne un peu, on parle de l'hybridation Sapiens-Néandertal, mais pour revenir à Denisova, je parlais des Inuits tout à l'heure, les Inuits, on pense qu'il y a certains gènes qui leur permettent aussi de s'adapter à des conditions de vie particulières, de résistance au froid, d'intégration des graisses animales. Oui, il y a des gènes, c'est FADS, de mémoire, c'est FADS, voilà. On vous en souvient par rigueur si vous ne souvenez pas du nom un peu barbare de chaque gène hérité de Denisova. Oui, en fait, chez les Inuits, on a trouvé qu'il y avait des gènes impliqués dans l'adaptation à la consommation d'un certain type de gras. Et il se trouve que peut-être que certains de ces variants génétiques, ils les auraient reçus par des mélanges anciens de Denisova. C'est pas les Inuits qui se sont mélangés avec Denisova. Hein. C'est les ancêtres des Inuits qui s'étaient mélangés avec Denisova. C'est vrai que de recevoir des bons gènes, ça peut aider, mais je pense pas que ça soit forcément déterminant. Moi, je pense qu'il y a des aspects plus culturels aux migrations. Et après, coup de bol, on récupère des bons gènes et ça facilite les choses. Mais je ne pense pas que ça soit dans le sens où on récupère des bons gènes et après, du coup, on peut aller quelque part. C'est pas déterministe dans ce sens-là, c'est plutôt une adaptation. Non, mais c'est-à-dire que ça a été à la fois un métissage génétique, mais également culturel. Je pense que, et on le voit dans plusieurs situations, que les Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique ont rencontré d'autres populations, ont appris également de ces autres populations, et il y a eu un mélange culturel, et ce qui a fait sans doute la dynamique de Sapiens, qui est vraiment une dynamique incroyable, c'est que ça a été cumulatif, hein, c'est-à-dire que les connaissances des Sapiens, au fur et à mesure que Sapiens avançait, ont été augmentées par les connaissances des populations locales, et jusqu'à faire cette superbe connaissance et de Sapiens. Je voulais juste rappeler que les introgressions adaptatives, on les trouve aussi dans les populations humaines actuelles. Hein. C'est pas juste dans les croisements avec Néandertal et Denisova. Est-ce qu'on pourrait reparler? On avait fait une émission sur ce que justement l'anthropologie nous dit des histoires des migrations. On va vous remettre le lien vers cette émission sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être un mot également pour puisque on parlait justement, Sylvana Condamy disait à l'instant qu'il y a eu une adaptation culturelle, parce que là on parle de ce que nous enseigne la génétique et ce que nous enseigne justement la paléogénomique, mais on peut aussi faire parler et on peut aussi comprendre l'apport culturel, notamment dans l'outillage, dans les objets qu'on peut retrouver sur certains sites, qui permettent aussi de montrer qu'on trouve une sorte de mixité culturelle dans les objets, dans les outillages qu'on peut trouver sur certains sites, Elinéir. Ah, ce serait génial de faire ça pour Denisova, malheureusement, mais on n'a rien. Oui, pour Denisova, il n'y a rien. Denisova, c'est zéro pointé, quoi. C'est-à-dire, on voit quelques outils moustériens, il y a très peu de débitage levallois, presque inexistant, alors que les Néandertaliens se caractérisent par ce débitage de Valois. Et au fait, le site même de Denisova, où on a trouvé les Denisoviens, c'est le niveau 11 en particulier, on a trouvé ces Denisoviens. C'est un site un peu bizarre où les choses sont mélangées, où il n'y a pas beaucoup d'outils, il n'y a pas beaucoup d'os. C'est-à-dire ce qui fait penser aussi que c'était des populations avec grande mobilité et pas vraiment sédentaires ou semi-sédentaires. Et c'est intéressant parce que c'est des petits effectifs et on le voit très très bien, y compris dans les restes archéologiques qu'on trouve dans les sites. Et d'ailleurs, avec les données génétiques, on a pu montrer que ça soit Néandertal ou Denisova, c'était déjà des populations en décroissance démographique même avant l'arrivée de Sapiens. Donc quand Sapiens arrive, ça accélère certainement le processus qui va amener à la disparition des Néandertals et des Denisoviens, mais c'était déjà des populations qui étaient en décroissance démographique avant l'arrivée de Sapiens. Un dernier mot pour conclure, on en parlait pendant le reportage hors antenne. Aujourd'hui, effectivement, on disait l'ADN est une molécule fragile qui se brise, en plus petits morceaux. Est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste l'une et l'autre sur le fait que d'ici quelques années, on pourra réussir à faire parler des fossiles qui aujourd'hui se taisent à l'analyse ADN? Est-ce qu'on va pouvoir réussir? Moi, je suis très très optimiste parce que quand je pense à mes études, à ce qu'on m'a raconté pendant mes études, à qu'est-ce que je faisais comme travaux au début de ma carrière, les avancées technologiques qu'il y a eu en un peu moins de 20 ans, je me dis que c'est impossible qu'on ne fasse pas de nouvelles découvertes du point de vue méthodologiques qui permettront justement de pouvoir avoir plus de données génétiques. Alors, on a évoqué hors antenne justement le fait qu'aujourd'hui on arrive à travailler sur des tout petits fragments d'ADN. Il est possible, parce que le gros problème de la dégradation d'ADN, c'est qu'on a des fragments très très très très très petits. Aujourd'hui, on a réussi à pouvoir travailler sur des petits fragments. Peut-être que on pourra encore travailler sur des plus petits fragments et pouvoir mettre tous ces petits fragments bout à bout et pouvoir, grâce aux ordinateurs magnifiques que nous avons, à ces magnifiques bibliothèques génétiques, pouvoir reconstruire de nouveaux génomes. Oui, et puis l'autre piste en parallèle à ça, c'est un peu ce qui a été fait, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé la fille issue du croisement entre un Néandertal et un Denisovien, c'est des techniques plus automatiques pour pouvoir screener systématiquement sur un site de fouille toutes les différentes espèces. Ouais. Nous déjà là au laboratoire, on a un collègue Jean-Marc Elalouf, il a mis au point une machine portative pour pouvoir identifier à partir d'un os à quelle espèce elle appartient. Donc on va pouvoir le faire de plus en plus, à de plus en plus grosse échelle. Et peut-être, qui sait, dans un futur proche également, grâce au progrès de la génomique, de ne plus avoir besoin de disposer forcément, même de tout petits bouts d'os, de retrouver des fragments ADN qui seraient restés, qui seraient conservés, qui pourraient indiquer, orienter vers une origine. Et aujourd'hui, on trouve quand même de l'ADN dans les sédiments. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs études qui ont montré, justement, on n'a même plus besoin d'avoir de l'os. On analyse l'ADN qui sort dans les sédiments et on peut dire, ça a été occupé par des humains, ça n'a pas été occupé par des humains, il y a ce type d'ADN ou il n'y a pas. C'est quand même absolument magnifique. Si les paléontologues n'ont plus besoin d'os, je ne sais pas où va le monde, mesdames. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus ici nous parler de ces mystérieux hommes et femmes de Denisova. Merci beaucoup, Evelyne Ayer. Merci, Sylvana Condamy. Je rappelle qu'Evelyne Ayer, on peut vous lire dans Une belle histoire de l'homme. C'est chez Flammarion, Sylvana Condamy, dans les dernières nouvelles de ça. Sapiens, coécrit avec François Savatier, c'est également chez Flammarion. Et dans ce très bel ouvrage collectif, Variations sur l'histoire de l'humanité, dont nous avons parlé il y a peu de temps avec Laurent Genefort, préfacé par Yves Coppens, avec tout un tas d'articles de fiction et également scientifiques aux éditions La Ville Brûle, dans la collection de notre camarade infini, Jean-Philippe Usan. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Tom Hundenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Un mot pour vous dire que demain nous parlerons de l'espace vu de l'Asie encore une fois, puisque nous parlerons des programmes spatiaux chinois et indiens notamment, qui comptent bien imposer un nouveau multipolarisme dans la conquête spatiale. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.